On parle de l'Europe avec une députée européenne là tout de suite maintenant, mais avant, on s'écoute 40 ans de promesses d'Europe sociale en bref. Je vous laisse reconnaître les voix. Moi, je défendrai d'abord la vision d'une Europe qui protège. C'est une Europe qui met fin au dumping social, c'est une Europe qui travaille sur la convergence fiscale, c'est une Europe de la réciprocité commerciale. Nous voulons en faire l'Europe des travailleurs, contre l'Europe, comme on dit, l'Europe marchande, l'Europe des profits. Nous sommes, nous, socialistes et sociaux-démocrates en Europe, d'accord sur un certain nombre de propositions, sur l'alignement de tous les pays d'Europe, sur le meilleur État social. La question est de savoir si on va harmoniser vers le bas ou vers le haut. Et ça, c'est tout l'enjeu de la construction européenne, notamment l'enjeu de cette échéance. On va quand même pas faire uniquement, mais remarquez que je trouve ça très bien qu'il y ait une Europe des patrons. Je trouve ça très bien. On va quand même pas faire que l'Europe des patrons. Faire une Europe sociale, comme l'a souhaité le président de la République depuis fort longtemps, par l'adoption, par exemple, d'une charte sociale. Oui, monsieur le président, si sur la charte sociale, est-ce que le fait que ce soit simplement des bonnes intentions, vous n'êtes pas un peu déçu? Ce ne sont pas que de bonnes intentions. Mais d'un mot, monsieur Delors, sincèrement, hein, vous n'êtes pas quand même un petit peu déçu par le résultat obtenu en matière d'avancée d'Europe sociale? Je suis un peu déçu. Bon. Il y aurait donc 49% des Français qui diraient non à l'Union européenne, au traité de Maastricht. Je crois que c'est non seulement un très sérieux avertissement pour une certaine façon de faire l'Europe complètement technocratique, uniquement autour du marché. Il est clair qu'il faudra y répondre concrètement dans nos choix, en particulier dans notre façon à l'avenir de construire l'Europe, qui devrait être plus sociale qu'aujourd'hui. L'Europe de demain, c'est-à-dire une Europe vraiment solidaire. Mais cette Europe de l'espoir doit être construite autour de la protection sociale qu'il faut maintenir et améliorer. Une Europe qui sache défendre à la fois son modèle de société, qui est fondé sur vraiment la justice sociale. Le traité de Maastricht est-il trop libéral? C'est ce que pensaient certains socialistes réunis aujourd'hui à Paris et qui voulaient y inclure des clauses sociales. Le Parti socialiste va sortir de cette convention, de ce Conseil national, renforcé dans sa conviction européenne, en marquant bien sa différence par rapport à la construction européenne actuelle. On a été trop loin dans le sens du libéralisme. Voyez-vous, toute cette affaire de construction monétaire et d'euro se faisait aujourd'hui jusqu'à maintenant de façon très libérale et uniquement sur les questions monétaires. Et Lionel Jospin avait beaucoup insisté pour qu'on s'occupe d'autre chose. Faire sa place au social dans la bataille économique que l'Europe doit conduire. L'Europe doit être bien sûr un marché sur lequel il doit y avoir des règles, des normes et notamment au plan social. En Europe, nous sommes dans 11 gouvernements sur 15. À la tête de 11 gouvernements sur 15. Donc nous sommes en capacité de changer cette Europe-là, justement de la mettre sur de nouveaux rails. Et ceux qui trouvent aujourd'hui que cette Europe, elle est trop libérale, ont raison. La priorité, c'est l'Europe sociale. Et concrètement, ça veut dire quoi pour nous? Ça veut dire qu'on doit se fixer une série de critères de convergence sociaux. C'est l'Europe des droits sociaux, bien sûr. Mais c'est aussi l'Europe d'un ensemble de sujets comme les services publics qui doivent être au cœur de la construction européenne, en tout cas pour quelqu'un comme moi. Ce modèle social européen, il est absolument essentiel pour convaincre nos peuples. Aujourd'hui, la grande question sur le plan social, est-ce que le traité est un progrès? Il est un progrès. Ce qui veut dire que dans ce texte, il y a aussi des mécanismes pour continuer à réguler l'Europe et pour défendre le modèle social français. Vous ne pouvez pas dire que la charte des droits fondamentaux, ce n'est pas un progrès considérable. Parce qu'il n'y avait aucune charte des droits fondamentaux dans aucun traité européen jusque-là. Mais ce traité-là, ce qui est neuf dans ce traité-là, pour la première fois, c'est qu'on s'écarte de ce libéralisme et que ce qu'on apporte, c'est le progrès social et la démocratie. Les Français rejettent la Constitution européenne. Oui, il faut une Europe qui combat la crise, qui retrouve le chemin du progrès social et qui prépare l'avenir. On a besoin d'une Europe aussi qui soit plus solidaire, parce qu'il faut davantage de justice et de justice sociale. Mais il doit y avoir aussi une dimension sociale, avec une coordination des politiques sociales. Pour mener à bien cette coordination, des indicateurs vont être définis. Le président de la République doit se sentir soutenu, pleinement soutenu, pour toutes les initiatives qu'il a prises pour réorienter l'Europe dans le sens de la croissance, mais aussi d'une Europe qui soit beaucoup plus sociale et plus solidaire. Car nous voulons une Europe qui protège ses travailleurs, une Europe du progrès social et non de la casse sociale. La question qui est la question qui nous est posée aujourd'hui est d'organiser le serpent social européen. Bref, nous voulons une autre Europe. Et au centre de ce que fut notre conversation, se situait l'Europe sociale. C'est d'ailleurs la première fois qu'un chef d'État ou de gouvernement me rend visite qui parle d'abord du social. C'est nouveau. C'est important la technique, on ne croit pas comme ça, parce que tu vois, on fait une super entrevue ça n'a pas enregistré. T'es là, donc j'ai intérêt, et ça m'est arrivé ouvert. Une fois. Donc maintenant, tu vois, je fais gaffe. Donc voilà, je me retrouve en face de Saskia Bricmont, ici à la sortie du Parlement européen, et on a trouvé un joli parc là. C'est surtout les arbres qui sont beaux au fond, hein. Tout rose, là, c'est un peu des... Comment ça s'appelle cet arbre, là, tu sais? Les roses, des cerisiers japonais, ça, je sais. Ouais. Et ouais, c'est joli, c'est tout en fleurs, enfin, voilà. Il y a un petit rayon de soleil, ça fait du bien. Et donc, Saskia Bricmont, difficile de la joindre après deux rendez-vous annulés, parce que, voilà, compliqué, pareil, le travail, c'est compliqué de travailler au Parlement européen, on change les dates, c'est pas toujours évident, surtout en ce moment, peut-être aussi, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, hein. Et donc, Saskia Bricmont est députée européenne, on va le dire, hein, écolo, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pas du tout de parler de manière partisane, même si on sait que Saskia Bricmont est influencée par tout ça, et même plus qu'influencée. Alors moi je commence la question, allez, t'es députée européenne depuis le 26 mai 2019, ça fait pas longtemps. Qu'est-ce qui s'est passé pour que... Qu'est-ce que tu faisais avant par exemple, Saskia? Bonjour, et donc oui, je suis élue depuis presque 2 ans maintenant au Parlement européen. J'ai appris à mes dépens que l'agenda d'un député européen qui s'investit dans les dossiers est très mouvant. Et donc désolée d'avoir dû annuler 2 fois nos rendez-vous. C'est le moins possible dans mes habitudes parce que je déteste ça de la part des autres et donc j'évite un max d'annuler, mais voilà, quand il faut, parce qu'on a des réunions de négo sur lesquelles on est responsable du dossier, ben on doit les honorer. Donc voilà, désolée, mais ravie d'être ici dans le petit parc Léopold avec toi aujourd'hui. Et c'est vrai que je n'y viens pas souvent, donc c'est d'autant mieux. Donc depuis 2 ans, pourquoi je me suis lancée dans les élections européennes en fait? Avant ça, j'ai gravité en politique depuis 2007, après mes études en sciences politiques. Et le point de départ va plus loin encore que mon engagement écolo, parce que c'est mon engagement associatif qui a commencé chez Oxfam. Oxfam qui est donc une ONG active dans le commerce équitable. Et j'y étais bénévole pour un magasin ici à Saint-Gilles pendant quelques années. Et c'est de là que j'ai rencontré beaucoup de gens investis dans l'action locale à Saint-Gilles d'abord pour un autre monde, une autre mondialisation. Et parmi eux, des écolos avec lesquels je me suis très rapidement entendue sur le plan des idées. Et c'est ainsi que j'ai commencé mon engagement militant qui a évolué en engagement politique. Je me suis présentée aux élections, j'ai été conseillère communale à Hatte, donc plus à Saint-Gilles à ce moment-là. Et de fil en aiguille, j'ai à la fois travaillé pour Écolo, pour le parti, pour des élus écolos. Puis j'ai fait aussi un travail dans ma région pour le développement territorial. Donc là, c'était plus du tout avec une casquette politique. Et je me suis rendu compte qu'en fait, je voulais être sur le banc des décideurs. Mais pourquoi donc? Parce que je suis souvent révoltée par des décisions que je n'estime pas être les bonnes et qu'en fonction de la position qu'on occupe, on peut ou pas l'exprimer. Et là, j'étais dans une position où je devais en fait exécuter les décisions. Voilà, c'est chacun son job et à un moment donné, on peut s'en satisfaire ou pas. Et quoi, t'as un exemple des choses concrètes qui t'a vraiment agacé au point que tu dises non, ça suffit là, ou bien non, c'est pas arrivé comme ça, c'est petit par petit. C'est peut-être pas arrivé comme ça parce que dans le boulot que je faisais, on a réussi à lancer des projets qui étaient tout à fait dans la veine de ce que je porte pour les circuits courts alimentaires, l'économie circulaire. Donc il y a quand même pas mal de choses qui bougent au niveau du développement qu'on appelle le développement territorial, en Belgique en tout cas. Ça bouge assez bien dans le sens de la transition. Aujourd'hui, ça? Ou bien, parce que là tu parles de derrière, dans le passé? Ouais, dans mon ancien boulot. Mais il n'empêche que, voilà, de manière générale, il y a toujours des décisions avec lesquelles on n'est pas d'accord, on a envie que les choses bougent plus vite. Alors la question c'était, est-ce que ça va bouger plus vite ici, dans la position dans laquelle je suis? Ça, c'est... Non, ça tu vas un peu vite, mais oui, c'est ça l'idée en fait, c'est de se dire, oui, je te rencontre Saskia parce que tu es aussi députée, et hors micro on a un petit peu discuté, et l'idée oui c'est de se dire que moi par exemple, je ne crois pas du tout que c'est en allant là-haut, parce que c'est aussi là-haut, quoi. Non, c'est pas une bonne image. Ça, t'as vu ici, t'es là-haut. Au Parlement européen, je parle. Je suis littéralement là-haut parce que mon bureau est au 10e étage de ce building qu'on voit ici. Mais en fait, je ne me vois pas là-haut parce que je me sens porte-parole finalement des acteurs du terrain. Et je fais en sorte aussi, quand j'ai des dossiers, de rencontrer ces acteurs de terrain, de travailler avec le secteur associatif, avec les lobbies, mais les bons lobbies. En tout cas, ceux que moi j'estime être les bons. Parce qu'il y a aussi les lobbies qui ne voient que les intérêts économiques ou les intérêts de leur secteur avant tout. Moi, je suis dans une logique d'intérêt sociétal, d'essayer de travailler vraiment pour le bien commun et de le faire avec les acteurs de terrain parce que je n'ai pas toute l'expertise. Comment tu t'y prends alors ? Comment je m'y prends ? Donc, je siège dans deux commissions, celle du commerce international. Et donc ça remonte à mon engagement pour le commerce équitable. Et donc là, j'ai une expertise militante en tout cas. Et quand j'ai des dossiers particuliers, eh bien, je fais des réunions, typiquement des réunions de travail, pour l'instant en Zoom, en ligne, idéalement dès qu'on pourra en physique, parce que ça change quand même fort les dynamiques et les relations aussi. On est des êtres sociaux, on a besoin de contact et de se voir pour établir des relations. Donc, il faut défendre cette idée-là aujourd'hui, j'ai l'impression aussi, parce que le télétravail, des fois, ça arrange. Enfin, là, c'est un autre débat. Oui. Mais bon, je pense qu'il y a peut-être des choses qu'on va retenir de cette période, mais aussi beaucoup de choses qu'on va supprimer. Et on doit revenir à des réunions physiques. Ça, c'est inévitable et indispensable aussi, personnellement. Je pense que chacun en a besoin. Mais pour revenir aux réunions, oui, donc, on fait beaucoup de réunions de travail avec des représentants, en fait, des ONG, la société civile, des experts. La deuxième commission dans laquelle je siège, c'est celle des libertés civiles, justice, affaires intérieures et migration. Donc, c'est hyper vaste. J'ai parfois des dossiers liés aux questions migratoires qui impliquent des questions légales hyper, hyper précises. Et là, je travaille avec des gens qui connaissent les dossiers, mais je le reconnais, qui partagent mon approche idéologique. Et donc, en l'occurrence, si on parle de politique migratoire, pas du tout celle qui est menée actuellement par l'Union européenne, donc une logique sécuritaire et de renforcement de nos frontières et de contrôle et de renvoyer de manière illégale les migrants sur leurs bateaux et au risque qu'ils meurent, et c'est ce qui arrive. Je suis vraiment du côté de plutôt des plateformes citoyennes, des citoyens solidaires qui veulent une politique européenne accueillante, solidaire et basée sur des critères clairs d'accueil et de droit à l'asile. Et donc, je travaille évidemment avec ces lobbies-là, avec ceux qui représentent aussi les idées que je défends au Parlement. Et le lobby citoyen, je reviens aux dossiers commerciaux, je fais des ping-pong, mais je reviens aux dossiers commerciaux. On entend quand même de plus en plus de voix citoyennes qui s'élèvent contre les accords de libre-échange tels qu'ils existent aujourd'hui. Hein, le dernier en date dont on parle, c'est celui avec les pays du Mercosur, donc 4 pays d'Amérique latine. Cet accord date d'un autre âge, en fait. Il a été négocié depuis 20 ans, quand les enjeux climatiques n'étaient pas sur la table, quand on parlait à peine des effets sociaux de nos politiques économiques sur les travailleurs de bout de chaîne et le non-respect des droits des travailleurs, des droits syndicaux, de leur droit à un salaire décent, tout ça. Il en était très peu question il y a 20 ans. Et c'est aujourd'hui... Mais qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis ça ? Il en était très peu question il y a 20 ans. Tu veux dire quoi ? Que c'était normal que ce soit là, c'est ça ? Pas du tout, mais le mandat de négociation sur lequel se base la Commission européenne pour conclure un accord aujourd'hui en 2021 date d'il y a 20 ans. Entre-temps, on a le pacte vert européen qui établit des objectifs climatiques en ligne avec l'accord de Paris sur le climat. On a toutes les conventions de l'OIT, donc l'Organisation internationale du travail. On a des rapports d'experts d'organisations internationales, d'Amnesty, de Human Rights Watch qui révèlent toutes les violations des droits fondamentaux des gens. Et c'est ça que je veux dire. Tout ça n'a pas été intégré de manière suffisante pour moi et on ne peut pas continuer à investir et à faciliter les relations économiques, à faire tomber des barrières tarifaires si nos investissements finalement contribuent à la déforestation de l'Amazonie, à la violation des droits des travailleurs, à l'utilisation massive de pesticides qui sont utilisés dans les pays du Mercosur mais interdits en Europe. Et donc on interdit aux producteurs européens, à juste titre hein, pour moi, et aux agriculteurs d'utiliser certains pesticides, mais par contre on va pouvoir importer des produits sur le marché européen qui, eux, ont été produits avec des pesticides qui sont interdits chez nous. Enfin, c'est un monde qui marche à l'envers. Pour moi, la politique commerciale doit avant tout viser le bien-être et le développement en visant aussi les travailleurs avant tout. Mais t'as pas l'impression, Saskia, donc ça fait déjà... T'as quel âge, toi, genre, pour ça fait combien d'années que tu que t'es là-dedans à espérer, en tout cas, à te mettre, en route pour changer la donne, quoi, si je comprends bien. Ça fait combien de temps que t'es là-dedans? Et la deuxième question, est-ce que t'as pas l'impression que ça patine, que tout ça, même ce Parlement, même peut-être ton action, c'est une illusion qu'on pourrait changer les choses? Mais là, on voit bien, de toute façon, que c'est pas nous. Quand je dis nous, c'est parce que moi, je m'identifie un peu plus à ta vision, c'est-à-dire à la solidarité, au partage. Enfin, je trouve ce monde dégueulasse, injuste. Et au plus, tu grattes, au plus, tu te dis, mais c'est vraiment horrible ce qui se passe, quoi. Mais c'est pas depuis aujourd'hui, ça, hein, que c'est horrible ce qui se passe. Ça fait déjà depuis un bon petit paquet d'années derrière. T'as pas l'impression que tu te donnes bonne conscience en faisant tout ça, mais qu'au fond... Voilà, mais en même temps, tu n'as pas le choix, hein. Tu continues à être dans l'action, mais tu n'as pas l'impression que tout ça, c'est un peu du pipeau, quoi, non? Je rejoins tes constats, mais je les formule autrement, en fait. Mais c'est clair que parfois, on a l'impression de se battre contre un mastodonte, et c'est le cas, hein, puisque, mine de rien, je suis dans le groupe des Verts, et le groupe des Verts est le cinquième groupe politique. On est loin d'être majoritaire, on représente finalement un point de vue minoritaire. Et donc, très souvent, j'ai des positions qui vont à contre-courant. Alors, combien de temps ça fait que je suis engagée? Je suis engagée depuis 2007 en politique, tout en étant militante depuis mes études, sur les questions liées aux droits humains et au commerce équitable. Et je n'ai pas l'impression, en tout cas à titre personnel, que c'est pour me donner bonne conscience, mais je sens le besoin d'agir, en tout cas, face à ce qui ne va pas. Je sens un besoin de révolution intérieure et de m'exprimer sur ce que j'estime ne pas aller dans le bon sens. Et c'est ce que je fais au Parlement européen aussi, même si je vais souvent à contre-courant. Alors, est-ce que ça paye ? Pas à pas, je trouve que oui. Je donne un exemple. Quand je suis arrivée en 2019, quand j'ai été élue, les premières discussions autour du pacte vert européen, autour d'une politique commerciale plus verte, c'était greenwashing. C'était vraiment, on va verduriser la politique commerciale. Ici, je viens de faire adopter la semaine dernière en commission commerce international un rapport qui reconnaît l'impact du commerce sur la biodiversité. Je peux vous dire que c'est une révolution ici à l'intérieur du Parlement, parce que la majorité des partis politiques, et surtout de droite, jusqu'à il y a peu, refuser de voir que la politique commerciale a un impact négatif sur les droits sociaux et les droits environnementaux. Ça, depuis le Green Deal, depuis l'adoption du pacte vert européen, et aussi depuis, on ne va pas le nier, la pandémie, depuis la crise sanitaire, et le fait qu'on ne peut plus nier qu'il y a un lien direct entre la perte de biodiversité et l'accélération de la propagation de virus comme celui de la Covid. Ils ne peuvent plus dire qu'il n'y a pas de lien. Ils ne peuvent plus nier qu'il n'y a pas de lien. Et donc, quand on négocie, on sent bien que leur position a évolué et qu'ils reconnaissent l'impact sur la biodiversité du commerce. 50% du PIB mondial dépend de la nature. Donc le milieu économique, s'il continue à nier qu'il n'a pas un impact et il ne doit pas revoir sa politique climatique et environnementale, en fait, lui aussi, il fonce droit dans le mur, parce que ce sont des intérêts économiques derrière, hein, ne le nions pas. Et donc si on arrive à faire bouger ces lignes-là au niveau de partis conservateurs et de droite, c'est déjà un pas en avant, pas assez vite, pas assez fort, hein, j'en conviens. C'est vraiment une politique des petits pas. A contrario, ici, il vient d'y avoir un accord cette nuit sur la loi climat européenne qu'on attendait aussi. J'adore, comme tu dis, cette nuit. Ah bon, qu'est-ce qui s'est passé? Quoi, qu'est-ce qui se passe la nuit ici? Négociations entre Parlement, Conseil. Donc le Conseil, ce sont les États membres, et la Commission européenne sur la loi climat et les objectifs climatiques que se fixe l'Union européenne. Et là, on est déçus parce qu'on avait mis beaucoup d'attentes dans cette loi. L'objectif de cette loi, c'est que tous les objectifs deviennent contraignants pour tous les États membres de l'Union européenne et soient alignés, et que ce ne soit pas un peu sur base volontaire qu'on s'engage dans les accords climatiques. Et les objectifs pour nous sont trop bas et on ne met par exemple pas fin via cette loi aux subsides aux énergies fossiles. Et ça, enfin, une fois de plus, si on veut être cohérent, il faut maintenant mettre le paquet sur les énergies renouvelables et arrêter de soutenir avec des fonds publics, avec l'argent du contribuable, les énergies fossiles. Il est grand temps de changer ça. Et là, c'est la défaite politique de cette nuit. c'est ça. Mais à côté de ça, on avance pas à pas. Alors, globalement, la cohérence des politiques n'y est pas. J'en conviens. Donc, c'est clair que là, c'est pas suffisant. Alors, à nouveau, je pense que mon action, l'action qu'on mène dans ce genre de cénacle, comme le Parlement européen, est complémentaire à toutes les autres actions qui, mises bout à bout, vont changer la donne. L'action citoyenne, la politique du colibri, moi j'y crois très fort. On a chacun notre rôle à jouer et il y a énormément d'acteurs de la transition, que ce soit dans le secteur alimentaire, des circuits courts alimentaires, que ce soit dans le secteur textile sur lequel je travaille maintenant. Il y a énormément de ce qu'on appelle les makers, les gens qui se disent à un moment donné « je veux que mon activité économique contribue au bien-être, relocaliser la production, travailler avec des produits qui sont issus de l'agriculture biologique, travailler avec des gens qui sont payés décemment pour ce qu'ils font. » Et oui, souvent dans le prix, il y a un reflet de cette démarche-là. Mais si ces démarches sont autant soutenues que les démarches aujourd'hui de l'agro-industrie, des énergies fossiles, eh bien, la différence peut être marquée. C'est là que, politiquement, on doit continuer à agir pour soutenir davantage les démarches comme celle-là, circuit court alimentaire, la transition locale, pour vraiment marquer une différence. Je pense aussi aux jeunes qui ont été mobilisés pour le climat. Les manifs ont leur intérêt, ont leur importance, et on voit qu'elles ont influencé ce fameux pacte vert européen qui a été adopté ensuite. Oui, clairement, il y a eu les élections avec une augmentation des partis verts partout en Europe. Il y a eu la mobilisation des jeunes pour le climat qui n'ont pas eu froid aux yeux, qui n'ont pas eu peur d'aller voir la Commission européenne, d'aller voir la présidente de la Commission européenne en faisant part de leurs exigences. Et oui, quelque part, mis bout à bout, toutes ces initiatives mises bout à bout ont fait la différence et ont fait que la Commission européenne a adopté ce fameux pacte vert européen. J'en suis convaincue. Et ce fameux pacte vert européen, excuse-moi si je répète ou si je... Parce que des fois, j'ai l'impression, peut-être qu'on ne se comprend pas, mais ça a une influence sur le quotidien comment, en fait. Donc le pacte vert européen, il a comme objectif une société neutre en carbone en 2050. Les implications sont énormes. Neutre en carbone, mais c'est impossible, ça. C'est ambitieux. C'est ambitieux, d'autant plus au regard des politiques actuelles. Il faut vraiment que tous les secteurs contribuent, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et c'est là que je dis, c'est vraiment une politique des petits pas. La politique agricole est loin d'y contribuer, la politique commerciale est loin d'y contribuer, la politique de mobilité est loin d'y contribuer. Et donc, ce Green Deal fixe des objectifs qui sont ensuite déclinés dans des stratégies par secteur. Donc il y a une stratégie qui est liée à ce pacte vert européen sur l'économie circulaire, donc qui vise à changer le modèle économique, qui pour moi doit devenir le modèle économique dominant, puisque l'objectif c'est de réduire notre impact en matière d'utilisation des ressources, et qu'aujourd'hui l'économie est très consommatrice des ressources naturelles qui sont limitées, et donc il faut à un moment donné changer ça et miser un maximum sur la réutilisation, le recyclage, l'upcycling, et de concevoir les produits de telle manière à ce qu'ils soient déjà pensés pour leur fin de vie, pour leur réutilisation, pour leur recyclage. Et donc ça change la logique, en fait, dans la production, et de ne plus produire, enfin, la fast fashion, les habits qu'on va porter une fois, qu'on va acheter, qu'on ne va pas réutiliser, qui ne sont pas réutilisables parce que des fibres ne sont pas recyclables, enfin, etc., etc. Tout ça doit trouver une fin, une autre manière de faire. Donc il y a une stratégie économie circulaire, il y a une stratégie de la ferme à la fourchette, donc qui rejoint la logique des circuits courts alimentaires. Il y a une stratégie pour la biodiversité, donc avec des normes communes pour restaurer la biodiversité, planter massivement, donc aller à l'encontre des logiques de déforestation. Donc dans différents secteurs, il y a des stratégies qui donnent lieu à des appels à projets, à des fonds européens, Et une partie de cette stratégie est liée à l'octroi des budgets européens aussi maintenant. Et donc les États membres vont recevoir l'argent européen à condition qu'ils consacrent 30% de ce budget à des mesures climatiques, 10% à des mesures de biodiversité. Une fois de plus, on exigeait plus, nous, Verts. On voulait vraiment conditionner l'utilisation des fonds européens au Green Deal dans son entièreté et pas se dire il y a 30% pour le climat, 10% pour la biodiversité. Donc c'est à nouveau une logique des petits pas. On veut plus de cohérence, on veut vraiment que le Green Deal devienne la référence pour atteindre son objectif. Et aujourd'hui, on n'y est pas. Les politiques qui sont adoptées, dont cette fameuse loi climat, en l'état, ne permettra pas d'arriver à une société sans carbone en 2050. Donc il faut vraiment davantage d'ambition. Le gros problème est que cette ambition est influencée par le secteur économique, par les lobbies économiques, industriels, pharmaceutiques, quand il s'agit des pesticides, et certains élus succombent très facilement, surtout sur le banc conservateur, libéral, à ces lobbies. Mais vous aussi, votre bande, moi, je pense que la société n'a pas besoin. En même temps, tu vas me renvoyer, oui, mais toi, ou vous, vous croyez que les choses existent. Moi, je crois qu'il faut carrément reformuler les choses et pas forcément parler chaque fois d'un point de vue économique. Mais du coup, c'est changer sa manière de vivre carrément, quoi. Voilà. Parce que ça, tu donnes des exemples, mais c'est changer aussi sa manière de voir le monde, c'est changer sa manière de vivre, c'est tout ça aussi, non ? Ça implique un changement et le changement n'est pas évident. Le changement ne se décrète pas à moins que oui, il y en a individuellement qui décident de changer de mode de vie. Maintenant, je pense que pour y arriver et pour encourager le plus grand nombre de le faire, il faut aussi que la décision soit politique. Et qu'à un moment donné, effectivement, on délie le monde économique des décisions qu'on est capable de prendre politiquement. Et ça, on n'y est pas. On n'y est pas aujourd'hui. C'est clair que les intérêts économiques sont encore dominants. Que quand on parle d'encadrer la politique commerciale pour tenir compte des questions sociales et environnementales, on nous rétorque sur les bancs libéraux conservateurs qu'il ne faut pas mettre trop de barrières au commerce, que ça va déstructurer notre économie, que ça va rendre moins compétitives nos entreprises. C'est ça, effectivement, l'argumentation première. Alors, certes, c'est possible qu'à un moment donné, la compétitivité soit en question, mais ma question première est celle que tu poses, à savoir, est-ce que la logique doit avant tout être capitaliste, économique ? Est-ce qu'on doit avant tout viser à rémunérer les actionnaires ou les travailleurs ? Et là, moi, j'ai fait mon choix. C'est très clair que, pour moi, l'économie doit être au service des gens et pas l'inverse. C'est là où se trouve le combat. Il y a des gens qui ne pensent pas comme toi. Et donc, c'est plutôt eux qui gagnent en ce moment. Et par exemple, on pourrait parler aussi de la croissance. Parce que c'est ça, cette idée, toujours faire de la croissance. Hein, c'est comme ça qu'on peut faire du profit, d'ailleurs. Mais on va vers la décroissance, même si on ne le veut pas. Alors, c'est peut-être pas le bon mot, hein, parce qu'après, on parle de décroissance, on entend plein... Il y a tout un mouvement aussi par rapport à ça, mais... Le système va aller en décroissant, hein, avec les énergies, etc. Donc, c'est là que ça devient un peu... on se demande quoi, comment... enfin, voilà. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Le politique et les majorités politiques sont le reflet aussi de la diversité des points de vue qui existent parmi nous, hein, parmi les citoyens, puisque au départ, ce sont les citoyens quand même qui élisent leurs représentants au Parlement. Et donc, tous ceux qui votent à droite ou conservateurs, soutiennent une certaine idéologie, une certaine philosophie, et cette philosophie est basée sur un dogme qui est celui de la croissance infinie et du fait qu'on va pouvoir continuer comme ça indéfiniment sans se poser de questions. Or, effectivement, on fonce droit dans le mur puisque l'économie dépend de la nature. On en dépend. Notre maison commune, c'est la Terre. Et si on n'en prend pas soin, ben nous, on n'existera pas plus longtemps non plus. Donc c'est une question existentielle aujourd'hui qui est sur la table, largement étayée. Ce n'est pas juste un point de vue écolo, c'est un point de vue scientifique. Les experts du GIEC appellent depuis plusieurs années maintenant à réduire notre empreinte notre empreinte écologique, à réduire notre consommation, à réduire nos émissions de gaz à effet de serre, l'équivalent du GIEC sur le plan de la biodiversité, donc l'IPBES alerte depuis plus de 10 ans sur ce qu'on vit aujourd'hui. Et donc ça a été largement nié par le milieu politique. Ces risques n'ont pas été anticipés, n'ont pas été pris en compte pour justement réduire notre impact sur la biodiversité et éviter, je ne dis pas qu'on l'aurait évité, je n'en sais rien, je ne suis pas devin, mais on aurait peut-être pu amoindrir l'impact de la crise qu'on connaît aujourd'hui en anticipant. De quelle crise tu parles ? La pandémie, la crise sanitaire et la propagation des virus comme ça, des experts internationaux. Sur la biodiversité, alerte depuis des années sur le risque que des zoonoses, donc des virus issus d'animaux, se propagent à l'homme de par cette perte de biodiversité. La biodiversité est un rempart, en fait, au virus, puisque ce sont des obstacles qui existent dans la nature et qui évitent que les virus se transmettent, notamment de l'animal à l'homme. Et le fait que cette diversité disparaisse facilite, en fait, la contamination. Et on ne pouvait pas dire qu'on ne le savait pas. Et encore maintenant, certains essayent de nier ce lien entre les... Ça évolue. On peut de moins en moins nier ouvertement, à moins de devenir sceptique. Comme on a eu les climato-sceptiques, on a aussi encore ceux qui sont sceptiques par rapport à notre impact sur la biodiversité et les risques. Mais ça évolue, les choses changent pas à pas. Voilà. Alors, c'est clair que le changement, à nouveau, ne se décrète pas. Je pense que c'est aussi aux politiques à le faciliter, à rentrer et à accompagner les consommateurs, etc., dans d'autres logiques, dans d'autres démarches. Soutenir, je vais reprendre cet exemple-là, les circuits courts alimentaires, les commerces de proximité, c'est encourager de l'emploi, parce que le circuit court alimentaire, c'est de la main-d'œuvre, c'est du maraîchage. Mais c'est ce que tu parles comme une... Je comprends la petite différence, mais tu parles comme une, comment dire, comme un libéral, quoi, au fond, en disant ça va créer de l'emploi. Je veux dire, mais regarde tout, enfin, les grosses industries dégueulasses, ça va créer de l'emploi. Enfin, tu vois, on est vraiment là-dedans à fond. Pour, enfin, j'ai pas d'autres exemples que l'industrie, mais du moment que ça donne du travail aux gens, ça justifie tout. Là, tu parles comme un libéral, quoi, au fond. Non, mais c'est vrai, on va créer du boulot vert, mais ce sera bien ça, ce sera pour la bonne cause. Tu vois, je trouve que c'est ça qui manque aujourd'hui dans le paysage, c'est d'avoir vraiment des valeurs qui sont autres qu'économiques, quoi. Et c'est pas que moi qui le dis, je veux dire, il y a la preuve qu'il est possible de créer un autre monde. Mais on va plus vivre de la même manière. Voilà, c'est ça aussi, tu vois, c'est... J'entends ce que tu dis, mais si on change le modèle économique, ça veut dire des emplois en moins, et c'est souvent un argument en faveur du statu quo, le fait qu'on va perdre des emplois. Et il y a beaucoup de secteurs qui n'ont pas envie d'enclencher cette transition, qui n'ont pas envie d'enclencher ce changement au nom de l'emploi. Alors, la transition amène aussi d'autres formes d'emplois. Et des emplois que l'on voudrait plus décents et mieux rémunérés. Parce comme quoi, par exemple ? Mais comme par exemple, mais le fait de relocaliser certaines productions, c'est aussi avoir une main-d'œuvre locale et non délocalisable. Donc oui, on revient quelque part à un modèle qui existait. On n'invente pas, on n'invente rien. C'est à un moment donné, au nom de la réduction des coûts économiques, et de l'augmentation des marges, c'est comme ça que les entreprises ont grandi et ont décidé de délocaliser. C'est ce modèle-là qui, aujourd'hui, ne fonctionne plus, parce que non seulement il se fait au détriment des droits des travailleurs, et on ferme un peu les yeux dessus, c'est les droits des travailleurs en bout de chaîne, donc au Bangladesh, au Vietnam, dans des pays avec lesquels on fait du commerce, on fait du business, sans se poser de questions. On achète des marques qui fonctionnent sans scrupules, qui se sont engagées à respecter les droits des travailleurs de bout de chaîne après l'effondrement du Rana Plaza. Ça a été le gros tollé mondial. Les marques se sont engagées à changer leurs relations avec les sous-traitants, etc. Qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui ? Mais c'est que rien n'a changé, que le Rana Plaza pourrait se reproduire 8 ans plus tard, comme il s'est produit il y a 8 ans. C'est ce samedi-ci qu'on commémore les plus de 1000 victimes, quoi. Et on se dit, 8 ans plus tard, on en est où ? pas suffisamment loin pour que les droits des travailleurs, des travailleuses, des enfants aussi qui travaillent, soient respectés en bout de chaîne. Et ça, ben, j'y travaille aussi. On travaille sur une législation sur la responsabilité sociétale des entreprises. On travaille sur une stratégie spécifique au secteur textile aussi, qui inclut à nouveau l'économie circulaire, donc qui allie à la fois la logique, oui, économique, on reste dans une logique économique, mais aussi de responsabilité sociale, environnementale. Donc c'est essayer d'inverser la logique, en tout cas néolibérale, qui vise avant tout la croissance. Et la croissance de quoi ? Du PIB, pour faire en sorte qu'on puisse aussi parler de croissance de droits et de croissance de bien-être en Europe et dans le monde. Parce qu'on parle du Green Deal européen, mais il ne s'agit pas d'avoir notre Green Deal qui va améliorer notre situation sociale et environnementale au détriment du reste du monde. Et quoi, vous, si j'ai bien compris, vous parlez aussi, vous, de croissance du produit international brut ? Non, justement, on veut que le modèle ne soit plus uniquement basé sur la croissance du PIB. Parce qu'aujourd'hui, la référence, c'est quoi ? C'est la croissance du PIB. Pour voir si une politique fonctionne, c'est ça. Quand on veut regarder au niveau de la Commission européenne, quand elle nous présente les chiffres de réussite d'un traité de libre-échange avec un pays tiers comme le Canada, c'est à l'augmentation du nombre d'exportations, c'est ça qui est regardé. C'est, est-ce que ça fonctionne ? Est-ce que ça augmente ? Est-ce que le chiffre augmente ? Est-ce que derrière, on a fait en sorte d'éviter, par exemple, l'importation de bœuf aux hormones du Canada ? Un audit a prouvé que non. Or, les consommateurs européens sont très clairs, ils n'en veulent pas de ce bœuf aux hormones. Donc voilà, on en revient aux questions des normes sanitaires, des normes sociales, des normes environnementales, de nos relations économiques et commerciales sur lesquelles on doit bosser. Il y avait encore 2-3 questions importantes. Ouais. De dire, est-ce que tu n'as pas l'impression, Saskia, que... Hein, j'ai aussi, avec la pandémie, on a bien vu qu'il n'y avait plus de démocratie pour, comment on appelle ça, pour les mesures exceptionnelles, situations exceptionnelles. Donc, si demain s'en prenait l'envie le gouvernement, ce gouvernement-là qui a été mis en place... On a bien vu qu'il était possible de laisser tomber complètement cette démocratie, même si la démocratie, cette démocratie pose question aussi dans la manière... T'as pas l'impression que... Moi, je trouve que ça fait peur, hein, bah, sûrement pas que moi, mais t'as pas l'impression que de plus en plus, et même avant la pandémie, ça commençait à se mettre en place comme ça, tout doucement, depuis plusieurs années, c'est que les gens ne sont pas d'accord, se bougent. Par exemple, le CETA, moi, j'ai des souvenirs d'aller à des rassemblements CETA. C'était pas simplement une petite minorité de militants. C'était carrément, je retiens pas les chiffres, moi, mais la populace qui était dans la rue pour dire non, c'est quand même passé. Tu vois, est-ce que t'as pas l'impression d'être dans quelque chose d'énorme comme ça ? Alors, je peux te poser la question là. Et en même temps, il y a l'Europe. Moi, ce que j'ai compris récemment, et ça, c'était génial, c'est de dire, ben oui, si tu veux changer les règles, ça ne sert à rien de le faire juste pour son pays. Les règles, tu vois, la pollution ne s'arrête pas aux frontières. Et là, j'ai pris conscience, ben oui, c'est vrai, en fait, c'est tous les pays. Il y a combien de pays en Europe ? 27. 27, oui. Et donc, ça, j'ai pris conscience qu'en fait, ben oui, au fond, c'est vrai, c'est intéressant de se battre à ce niveau-là pour se dire que tous les pays se mettraient ensemble pour changer la donne. Là, moi, là, je comprends le combat européen, tu vois ? C'est pas évident de se mettre d'accord à 27. Mais très souvent, quand on parle de l'Europe, c'est de ses échecs ou du fait que ça ne fonctionne pas. Donc très souvent, quand une politique fonctionne, les États membres se l'attribuent, même si au départ, il s'agit d'une démarche européenne. Donc ça, c'est le paradoxe dans la communication aussi, dans le relais médiatique qui est fait des dossiers. C'est que très souvent, on met en avant le point de vue des États membres, du fait que ça bataille, que ça négocie, qu'à 27, il n'y a pas d'accord. Enfin, on le voit bien avec la pandémie, effectivement. C'est l'illustration par excellence qu'il faut mettre encore plus d'huile dans les rouages pour que les 27 se coordonnent et ne prennent pas leur politique nationale séparément, ferme les frontières, test ou pas, quarantaine ou pas, etc. Donc oui, très clairement, l'Europe, elle se joue au niveau des États membres avant tout. Le Parlement a son rôle législatif à jouer avec la Commission européenne qui propose les textes. Le Parlement européen amende les textes. Et puis quand il s'agit de textes législatifs, donc ils vont s'imposer dans les 27 États, il y a une négociation qui commence avec les 27 via le Conseil européen. Et donc, on voit que c'est à chaque fois des négociations qui ont lieu, à la fois entre États membres et à la fois entre groupes politiques, puisque tous les groupes politiques sont représentés au niveau du Parlement, sur base des élections. Et ça, ce sont les citoyens. Donc, est-ce que le fait de s'être mobilisé pour le CETA et puis finalement qu'il passe quand même, c'est la faute à l'Europe? Non, je dirais que c'est... Attention, parce que là, c'est super important ce que tu vas dire, je trouve, parce que... Moi, j'entends cette Europe, je ne sais pas comment l'appeler, Conseil de l'Europe, l'Union européenne. Tu vois, déjà, ça, c'est confus pour les gens, même pour moi, de savoir qui décide, au fond, tu vois. Qui décide ? C'est pas... Typiquement, pour le CETA, c'est le Conseil, donc les États membres, qui donnent un mandat à la Commission européenne pour négocier avec le Canada, dans le cas du CETA, ou avec d'autres pays dans les autres accords. Donc ce sont les 27 qui donnent un mandat à la Commission européenne pour négocier. Une fois que la Commission européenne a négocié l'accord, sur le plan technique et tous les chapitres de l'accord, il termine sa négociation, c'est le Parlement européen, donc les élus, qui vont amender la proposition, la valider ou non. Et c'est là que le tollé a commencé sur le CETA, pour des questions de normes sanitaires, pour des questions de tribunaux arbitraux, donc la manière dont les conflits vont être traités si, au nom du traité, par exemple, une entreprise dénonce le traité parce que l'Union européenne met des barrières environnementales, par exemple, au commerce. Et donc, il y a plusieurs éléments dans le CETA qui ont été dénoncés, qui ont donné lieu à la mobilisation des ONG, des citoyens qui ont été dans la rue manifester. J'y étais aussi contre cet accord. Des signatures aussi, je ne sais plus combien il en fallait, il y en a eu pour remettre en cause ce CETA, quoi. Oui, tout à fait. Et alors ? Et alors, au niveau du Parlement européen, le problème, c'est que très souvent, les majorités politiques restent en faveur de traités du libre-échange. Il y en a qui deviennent plus compliqués que d'autres. Par exemple, sur le Mercosur, c'est pas clair si on va garder une majorité au niveau du Parlement européen en faveur d'un tel accord, parce que vraiment, lui, il symbolise tous les problèmes socio-environnementaux des traités de libre-échange que l'on dénonce. Et donc, il faut revoir fondamentalement la politique commerciale. Pour la revoir, il faut aussi qu'à nouveau, les États membres jouent leur rôle. Si les États membres laissent faire l'Europe, donc la Commission européenne en l'occurrence, qui a proposé une nouvelle stratégie commerciale au mois de mars, s'il n'y a pas une réaction ferme de la part des États membres, donc du Conseil, pour dire non, en fait, on entend nos citoyens et ils réclament autre chose comme politique commerciale, avec une prise en compte plus forte et avec des sanctions possibles à la clé si on ne respecte pas les questions sociales et les questions environnementales, parce que c'est ça qu'on réclame. On réclame une autre politique commerciale. Et donc, si les États membres, à un moment donné, ne donnent pas un nouveau mandat à la Commission européenne, c'est leur responsabilité. Et c'est ça l'Europe aussi. Et donc, c'est vrai que c'est compliqué. C'est hyper complexe comme schéma. Mais je dirais que l'influence que nous, citoyens, pouvons avoir... C'est au moment des élections et la cohérence que l'on met dans notre vote, tant au niveau national qu'au niveau européen. Puisque les majorités qui vont se dégager vont orienter, positivement ou négativement, en fonction de ces choix politiques, les politiques européennes. Et donc, c'est éminemment lié au vote, pas que, mais aussi au vote national dans les États membres. Alors là que tu parles du vote, alors là, écoute, moi j'ai plus suivi, c'est en France que ça va, un tollé hein, pour la Constitution européenne. En 2005, on lance en France un référendum, la Belgique c'est ok pour la Constitution, mais la France et les Pays-Bas, les gens disent non, alors que le politique, les médias, tout le monde pousse, tu vois, à ce que ce soit... à ce que ça se fasse. Ça se fait trois années plus tard, 2008, sous Sarkozy, qui transforme la donne. Il appelle ça autrement. Ça se fait par, Parlement, quoi. Ça passe au Parlement. Mais donc, les gens étaient contre. Et je me suis un peu amusée, pas à lire complètement, mais qu'est-ce qu'on disait, oui, pour, les pour et les contre. Mais les contre disaient déjà que ça allait enlever de la souveraineté. C'est comme s'il y avait l'Europe qui était tout au-dessus et qui disait comment tous ces pays devaient fonctionner. On le voit avec cette économie de l'austérité, on suce de plus en plus les peuples, et puis les gens, les gens de la rue, eux, on s'en fout carrément, quoi. Mais ça devient vraiment ça. Je ne sais pas comment tu traduis, toi, les choses. Tu trouves que j'exagère ? L'Union européenne a apporté de bons, des mécanismes de solidarité pour faire en sorte que certaines politiques puissent être menées par les États les moins avancés, les moins nantis. Les moins avancés, ça veut dire ? Les moins avancés en termes sociaux, par exemple, et en termes économiques aussi. Donc c'est ce que l'Union européenne vise, c'est qu'à un moment donné, il y a une contribution commune à un budget commun, qui ensuite est redistribuée en fonction des besoins des États en matière sociale, de développement économique, de reconversion de l'industrie. Là, je me perds, parce que je pensais que de toute façon, tout ce qui était social, c'était parce que les gens se sont battus derrière nous. Il y a des gens qui sont morts, chaque fois je dis ça. Ben oui, il y a des gens qui sont battus pour qu'il y ait justement tout ce mouvement social, mais aussi cette économie sociale dans laquelle on est aussi. C'est pas que libéral, mais le libéral, il a envie de manger. D'ailleurs, le néolibéralisme, ça s'appelle plutôt comme ça aujourd'hui, mais il a envie de manger toute cette part, justement, de social. Donc, je m'y perds quand tu parles de l'Europe, elle distribue, quoi. Elle distribue, ça lui tombe pas du ciel, quoi. Non, donc les États membres contribuent au budget européen, qui ensuite, lui, va via des fonds, via le Fonds social européen, via la garantie jeunesse, via des programmes spécifiques, va donner des moyens aux États membres qui, seuls, n'auraient pas les moyens d'investir dans certaines politiques. C'est ce qui donne aussi des orientations communes aux États. Quand il y a des appels à projets, quand il y a des fonds européens dans certaines politiques, ça oriente la politique des États, pour le meilleur et pour le pire. Parce qu'effectivement, dans le cadre de l'austérité et des politiques d'austérité qu'on a largement dénoncées au niveau du Parlement et du groupe des Verts particulièrement, la gauche, je dirais qu'elle s'est fort opposée aux politiques d'austérité. Ces politiques qui sont suspendues maintenant, et heureusement, hein, dans le contexte de la crise dans lequel on est, il faut booster les investissements et pas commencer à lier les politiques publiques à des politiques d'austérité et de restriction. Et donc ça, on pousse très fort pour que ce soit maintenu et que ce soit une des leçons que l'on retienne après la crise, qu'on ne revienne pas à des logiques d'austérité qui mettent la corde au cou des États et des politiques publiques. Ça foire déjà, puisqu'en France, on apprend qu'il y a, il y a une réforme sur le chômage, là. Donc ça va encore pousser plus de gens dans la précarité. Donc ça, ce sont typiquement des politiques nationales. Et donc c'est là que ça devient complexe aussi, c'est que l'Union européenne a très peu de compétences sociales, donc c'est via des fonds qu'elle va permettre à certains États d'investir dans des questions sociales, là où les États ne le feraient pas s'il n'y avait pas l'Union européenne derrière pour les soutenir à s'engager dans des politiques sociales et de logement, etc. Ou de rénovation énergétique, par exemple, typiquement aussi des bâtiments, à encourager d'autres formes de mobilité, etc. Mais à côté de ça, les compétences sociales, de sécurité sociale, de pension, de politique de chômage, tout ça est de compétences des États. Donc c'est nos gouvernements qui décident de ces politiques-là. Ce n'est pas l'Union européenne. Il y a très peu de politique sociale où l'Europe a un pouvoir direct. Et on l'a vu avec la pandémie. Elle n'a pas de compétences santé, en fait, l'Europe. Elle peut émettre des recommandations, elle peut formuler des propositions de normes communes, mais ce sont les gouvernements qui peuvent décider de leur politique sanitaire, etc. Et maintenant, vu la leçon liée à cette crise de la Covid, il est question que l'Union européenne ait une compétence en matière de gestion de crise et qu'on lui reconnaisse cette compétence pour faire en sorte qu'il y ait une coordination directe. J'espère que c'est la leçon qu'on va retenir pour plus tard, puisque des pandémies, on en aura encore. Que l'Union européenne ait une compétence directe en matière de gestion de crise pour directement avancer vers des dispositions communes et éviter ce qu'on a vu, Des fermetures de frontières, des mesures unilatérales, pas de concertation entre Macron et Merkel ou Macron et notre Premier ministre. Enfin voilà. Et donc ça, c'est ce que peut apporter l'Union européenne, par exemple, en cas de gestion de crise. Là où elle a des leviers directs, c'est les questions environnementales. Et je dirais que là, l'Union européenne nous a apporté énormément de choses, notamment en matière de réduction. Et à nouveau, nous, on veut la suppression, donc ça ne va pas assez loin. Mais de réduction des pesticides. Il y a dans certains pays, on en serait au niveau du Brésil, qui est un des cinq, au top 5 des utilisateurs de produits chimiques et de pesticides dans le monde. Certains États membres européens n'auraient pas du tout changé leur fusil d'épaule s'il n'y avait pas de normes environnementales communes au niveau européen. Et donc là, c'est aussi une question sanitaire derrière et de protection de l'environnement qui est en jeu. Donc il y a des normes communes qui sont soit des recommandations, soit contraignantes. Et donc voilà, tu parlais de démocratie parce qu'on n'a pas embrayé sur la question de la démocratie. Mais là aussi, on peut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Ce qu'a apporté l'Union européenne, c'est aussi des règles en matière de gouvernance démocratique, de démocratie, des valeurs communes, de solidarité, etc., qui aujourd'hui, par des États comme la Pologne ou la Hongrie, ne sont plus du tout respectées. On a un vrai recul des droits fondamentaux, des droits des femmes, un recul de plusieurs décennies, parce qu'on a un avènement de régime autocratique qui ne tolère plus la liberté d'expression, qui ne tolère plus l'opposition politique. Et donc on a fortement lobbyé la Commission européenne pour qu'elle actionne les sanctions qu'elle peut actionner dans le cadre des traités européens contre la Hongrie, contre la Pologne, pour dire à un moment donné, stop, c'est tout. Vous devez respecter la séparation des pouvoirs entre justice et gouvernement. Il ne peut pas y avoir de collusion. Vous devez respecter l'état de droit et les règles de gouvernance démocratique. Alors, est-ce que ça fonctionne ? On ne peut pas dire que les régimes changent fondamentalement leur fusil d'épaule. Mais là où les citoyens qui sont dans la rue nous disent « soutenez-nous, enfin, l'Union européenne, on a besoin de cette appartenance à l'Union européenne et que le Parlement européen se mobilise, que la Commission européenne s'exprime, que les autres gouvernements européens s'expriment aussi, et ça, ils ne le font pas, toujours non plus. Parce qu'il est difficile de dénoncer un collègue, un autre gouvernement. Certains l'ont fait, d'autres, on attend encore toujours leur réaction. Mais les citoyens qui sont dans la rue, les opposants politiques, les journalistes disent on a besoin de l'Union européenne pour soutenir nos revendications et à un moment donné dire stop au régime autoritaire. Et donc, ouais, c'est super drôle parce qu'on ne se positionne pas du tout de la même manière. Mais j'ai entendu que les gens étaient mécontents de cette Europe. Hein, je veux dire, ça démarre avec la Constitution. Les gens disent non, ils ne veulent pas, ils sentent bien. Qu'il y a une perte de souveraineté. Je ne sais pas si tu vois ça un peu. La question aussi, c'était de se dire, ben, l'Europe, elle a été créée pour quoi, au fond ? Parce que j'ai été voir un peu la définition. Alors, elle est risible, il ne reste vraiment plus beaucoup de temps. Mais bon, voilà, on va arrêter comme ça. Mais l'Union européenne, elle est née de l'horreur laissée par deux guerres mondiales. Depuis 1950, le projet européen a atteint son but principal, la paix. Elle ne dit pas que ça crée une guerre économique de dingue. Il y a plein de gens qui... Enfin, c'est horrible. Nous, on est des privilégiés ici. Mais je veux dire, ça se passe en Europe. Hein. C'est pas non plus... Enfin, voilà. Une paix fondée sur la solidarité économique, un développement social. Enfin, voilà, ça fait... Tu vois, ça fait comme si c'était, dans le meilleur des mondes, un film de Walt Disney, comme ça. Et ma question, c'était ça, oui. L'Europe, pourquoi elle est née ? J'ai aussi entendu que c'était pour être plus fort face... aux États-Unis, économiquement, hein, toujours cette question-là. L'Asie de l'autre côté, maintenant. Moi, je trouve, tu vois, que l'Europe... Je te dis, j'ai retenu quelque chose d'intéressant, c'est de dire, ben oui, si on veut changer, par exemple, les mesures de la pollution, ben évidemment, c'est économiquement qu'on doit se mettre ensemble, parce que, tu vois, la pollution, elle ne s'arrête pas aux frontières, quoi. Il y aurait d'autres exemples à donner, hein, mais moi, j'ai retenu celle-là. Je me dis, ah, bien, c'est bien vu, ça. Donc, l'Europe, qu'elle se mette d'accord, que les pays se mettent ensemble, oui. Mais franchement, je n'ai pas plus d'exemples, ou j'entends pas plus d'idées pour dire qu'au fond, cette Europe... Moi, j'ai l'impression qu'elle Tu vois que c'est une grosse machine comme ça et qu'elle impose au pays, tu vois, aux 27, de devoir faire comme si, de devoir faire comme ça. Et que si ça ne marche pas comme ça, regarde l'Europe, c'est quand même un peu tout le temps... Il n'y a pas de pays original là-dedans. Il y a quand même l'Europe qui chapeaute tout le bazar et qui dit comment les choses doivent se passer économiquement, quoi. Il faut bien se mettre en tête, c'est que l'Europe, c'est avant tout 27 gouvernements. Et que l'Europe ne se fait pas sans nos premiers ministres et présidents de pays. Et donc, les politiques d'austérité, elles ont été validées par les États membres, hein, à l'encontre de la Grèce notamment. Donc c'est ça qu'il faut se dire, que l'Europe, c'est cette organisation à 27. Et donc il faut faire attention à ne pas penser que ce sont des décisions qui sont prises ailleurs que chez nous, puisque c'est aussi nos gouvernements qui vont les prendre. Alors là où elle a été créée, à partir de quoi ? D'un constat de solidarité, en fait, et de besoin de fonctionner ensemble et de se mettre ensemble, parce qu'ensemble on est plus fort, et qu'il y avait cette nécessité de se réorganiser sur le plan de la solidarité, sur le plan économique. Et puis cette Europe s'est élargie à d'autres États membres qui n'y étaient pas initialement, avec l'objectif aussi de soutenir ces États dans leur propre politique. Et c'est là que cette logique de solidarité est intéressante pour moi, et qu'on le voit aussi dans le cadre de toutes les discussions sur la relance aujourd'hui et des besoins qu'ont les États d'investir dans les systèmes sanitaires, dans les systèmes sociaux, et d'avoir un fonds de relance européen pour permettre aussi à des États qui ont moins de moyens pour réinvestir dans les politiques publiques de le faire. Et c'est là le paradoxe, c'est qu'on se rend compte qu'avec la crise, de tout ce qu'on a fait de mal, en fait, avec les politiques d'austérité, le fait de désinvestir dans les services publics ou de privatiser les secteurs, notamment liés à la santé, etc., on se rend compte, beaucoup l'ont dénoncé, mais maintenant, une majorité se rend compte aussi que ces cures d'austérité ont été très néfastes pour nos États, et qu'on en est là aujourd'hui à cause de ça, d'avoir désinvesti dans les métiers essentiels, dans les métiers de première ligne, dont on a fondamentalement besoin aujourd'hui. Et ça... J'espère que c'est une des leçons que l'Europe peut retenir, et qu'à un moment donné, ce soit aussi le moment, et je pense qu'on a un tournant pour ça, où l'Union européenne se renouvelle, tant sur le plan démocratique et de la gouvernance que sur le plan social et environnemental. Moi, je suis en faveur de davantage de cohérence et de politique sociale au niveau européen, puisque l'Union européenne pourrait aussi, à un moment donné, avancer sur la question du salaire minimum européen, et d'avoir une hausse des salaires dans certains pays où les salaires sont encore très bas, et c'est ce qui amène à un certain dumping, hein, à des travailleurs polonais ou autres qui viennent travailler en Belgique, en France, avec des normes sociales et salariales qui sont tout autres que celles qui existent en Belgique. Et ça, au sein de l'Union européenne, c'est pas normal. Il faut à un moment donné que cette harmonisation elle ait lieu aussi. Idem pour les systèmes de politique publique en matière de santé. Enfin, l'accès aux soins de santé doit être un bien commun. Enfin, c'est pas normal d'arriver à des systèmes où cette question est privatisée et se monnaie, et que des gens qui n'ont pas les moyens ne puissent plus avoir accès à des soins de santé. Là où on pensait que c'était une politique menée aux États-Unis et loin de notre réalité à nous, ben non, c'est une réalité qui s'instaure aussi en Europe. Et ça, je crois que l'Union européenne pourrait être un rempart à une approche comme celle-là. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles l'Europe peut avoir sa plus-value, parce qu'on ne se rend pas compte à quel point la situation dans certains pays membres est grave sur le plan notamment social. Et je parlais des circuits courts alimentaires, ce n'est pas une logique, une dynamique qui est enclenchée dans les 27 États membres. À ce jour, on vit des expériences chouettes chez nous, en Belgique, en France et dans d'autres pays, mais c'est loin d'être généralisé. Les pays nordiques ont aussi des choses à nous apprendre en matière d'accueil de la petite enfance, de partage du temps de travail, de congé parental, et donc une politique qui prend davantage en compte les réalités sociales et familiales. C'est pas le cas chez nous, et encore moins le cas dans les pays de l'Est, par exemple. Et donc, je crois qu'il y a beaucoup de choses desquelles on pourrait apprendre et faire en sorte d'avoir des harmonisations vers le haut et d'appliquer les meilleurs standards européens à l'ensemble des États. Ben voilà, c'est fini. Je te laisse les mots de la fin. T'aurais envie de dire quoi sur toute cette discussion ? Ça va, ça va ? Tu tiens la route ? Ça a tenu la route, là, toute... Parce qu'on a discuté. Non, mais moi, je, je, J'essaye toujours que les gens se perdent pas, mais on a discuté pas mal de l'Europe, au fond. Hein. Ben, par le Parlement européen, quelque part, c'est un peu logique. Et donc, le mot de la fin, même si, en fait, on n'aura jamais fini. On n'aura jamais fini d'en parler, mais peut-être envoyer le message aux auditeurs que l'Europe, ce n'est pas un slogan, c'est nous qui la faisons réellement au moment où on vote. En Belgique, le vote est obligatoire, dans d'autres pays, il ne l'est pas. Et donc, au moment de voter, c'est vraiment se poser la question de ce qu'on veut comme projet politique, et pas juste pour l'Europe, mais aussi pour nos États. Parce que tant qu'on n'aura pas, au niveau de nos États, des représentants qui portent les logiques que l'on veut, hein, donc, enfin, moi, par exemple, celle de la transition des circuits courts alimentaires, d'une agriculture résiliente et durable, d'une politique commerciale qui est axée sur le développement social aussi, si mes représentants ne portent pas ces idées-là au niveau du gouvernement belge, la politique européenne ne va pas changer, puisque le gouvernement belge fait partie des négociations à 27 sur le mandat qu'il donne à l'Europe, en fait. Et donc, c'est important de se dire que, OK, si je veux des circuits courts alimentaires, etc., je vais voir le programme des partis politiques qui prônent ça et voir pour qui j'ai envie de voter, et d'avoir cette cohérence du niveau local au niveau européen, en passant par le niveau national. Merci, Saskia. Briquemont.